Audiomatique. I will not rhyme on tracks. Niggas on a chain gang used to do that way back. I will not rhyme over tracks. Niggas on a chain gang used to do that way back. Don't drop the beat on me. Don't drop the beat, no. I'm not the son of Shaclack Clack. I'm before that, I am before death is eternity, after death is eternity, there is no death, there's only eternity, and I be riding on the wings of eternity like, ha, ha, ha, shaclack, clack, get me the fuck off this track! As if a heartbeat wasn't enough, they got us using drum machines now. Drums and machines, trying to make our drums humdrum. Trying to mute our magic. Instruments be political business up inside computers. As if the heart were not enough. As if the heart were not enough. And as heartbeats ring percussions, fallen trees ring repercussions, cities play upon our souls like broken drums. We drum the essence of creation from city slums, but city slums mute our drums, and our drums become humdrum, cause city slums have never been where our drums are from. Just the place where our daughters and sons become offbeat heartbeats, slaves to city streets. When hearts get broken and heartbeats stop, broken heartbeats become breakbeats for niggas to rhyme on top, but I won't rhyme on top, no chance. Niggas on the chain gang used to do that way back. I won't rhyme over tracks. Niggas on the chain gang used to do that way back. Don't drop the beat, no. Don't drop the beat, no. Not until you listen to Rock Kim on a rocky mountaintop have you heard hip-hop. Yeah. Extract the urban element that created it and let an open wide countryside illustrate it. Riding in a freight train in the freezing rain, listening to Coltrane, my reality went insane. And I think I saw Jesus. He was playing hopscotch with Betty Carter, who was cursing him out in a scat like gibberish for not saying Butterfingers. And my fingers run through grains of sand like seeds of time, the pains of man, the frames of mime which built these frames, which is the structure of my urban superstructure. The trains and planes can corrupt and obstruct your planes of thoughts so that you forget how to walk through the woods, which ain't good cause you ain't never walked through the trees listening to Nobody Beats the Biz and you ain't never heard hip hop. And you must stop that damn track from going. Please don't drop the beat. Don't drop the beat, no. Well, I will not rhyme on track. Niggas on a chain gang used to do that way back. I will not rhyme on tracks. Niggas on a chain gang used to do that way back. Don't drop the beat, no. Don't drop the beat, no. Don't drop the beat. Heartbeat. My heartbeat goes on. C'est sur une pièce du musicien, chanteur, poète et écrivain Saul Williams que s'ouvrait la transmission 243 d'Audiomatique. La pièce que nous avons entendue, intitulée Twice the First Time, apparaît sur la compilation 3 CD Xen Cuts, produite par l'étiquette de disque Ninja Tunes. Sans attendre, nous entamons la prochaine séquence musicale avec une pièce de Saint Vincent. La formation de Comet Is Coming concluait cette séquence musicale grâce à Closing Credits, une pièce apparaissant sur le mini-album Prophecy, qui fut en fait la première parution de ce groupe de jazz électro en 2015. Avant de Comet Is Coming, vous aurez probablement reconnu David Bowie, une pièce de son dernier album composé avant son décès en 2016. Nous avons entendu Sioux or a Season of Crime de l'album Black Star. Et l'artiste Anne Erin Clark, mieux connue grâce à son pseudonyme Saint Vincent, ouvrait la séquence musicale avec sa composition Black Rainbow apparaissant sur son deuxième album Actor, paru en 2009. C'est maintenant Eden Orchestra qui assurera la continuité à Audiomatic. Cette séquence de deux pièces audiomatiques se terminait sur la musique du projet argentin Barda et la composition titre de son plus récent album Lebranza, sorti un peu plus tôt cette année. Avant Barda, nous écoutions un remix de la pièce East London Street du projet Eden Orchestra. Cette version, remixée par Eden Orchestra lui-même, apparaît sur l'album Down Chorus Remixes, qui offre une série de versions électroniques de pièces de l'album Down Chorus, qui, lui, est composé uniquement avec des instruments acoustiques. Audiomatic, allons-y maintenant avec une pièce de la formation The Church. Thank you. Thank you. Thank you. La longue pièce qui concluait cette séquence musicale est l'œuvre du musicien péruvien Mickey Gonzalez. Celui-ci a repris plusieurs pièces du répertoire traditionnel péruvien afin d'en faire, dis-je, des versions plus contemporaines. La pièce que nous avons entendue, intitulée Premonition, est basée sur une composition traditionnelle de Cajamarca, une ville andine située vers le nord du Pérou. La version que nous avons entendue paraît sur l'album Inca Beats de Mickey Gonzalez. Avant cela, nous entendions une pièce de la formation The Church, soit Mistress, qu'on retrouve sur l'excellent album Priest Equal Aura, paru en 1992. La transmission 2-4-3 d'Audiomatique tire à sa fin. Elle se terminera sur la musique de la formation colombienne Bomba Estéreo. Nous entendrons la pièce Vuelve, qui se retrouve sur le plus récent album Ayo, sorti en 2017. Les sonoristes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 244 d'Audiomatique diffusée en direct sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. D'ici là, n'hésitez pas à consulter nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU, ce qui vous permettra d'accéder à toutes les archives de nos transmissions. Voici donc pour terminer Bomba Estéreo et la pièce Vuelve. C'était Audiomatique avec les sonoristes.